frappe au cadre en attendant l'immersion et l'anesthésie locale. Tous rassemblés sans plaie, on voit pas de tasse se cambrer. On voudrait remplacer le wesh par qu'est à l'ombre. Mentalités sont dangereux, crop ça AMX Shilom. C'est sûr qu'au quotidien, mon gars, j'aimerais dire que j'innove.